OK, yeah, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est drôle. Je me demande pourquoi qu'il demande. J'ai vu Skype sur la Ouais, page principale, me c'est semble. ça. Mais je pourrais pas te dire pourquoi. Ernest, fuck off, esti. OK, Décalé. arrête-les. C'est Ouais. rien qui empêche de pas, de justement que là, je fasse genre autre chose que le podcast, puis là, tu fasses comme, oh, ta gueule. Non. Je fasse go. Là, on le fait pour vrai. Ouais, c'est correct. Fait que là, officiellement, on a un podcast là. Ça commence, là. Les sorbets du caractère mou! Bon, ben, comme c'est officiel et qu'on a officiellement commencé là, je pense que je vais aller acheter le domaine.com maintenant. Je vais aller acheter un abonnement à un système de host de podcast. Parce que là, après ces 30 secondes-là, je suis convaincu qu'on va continuer pendant 100 autres épisodes. Pense aussi, Parce que je crois c'est 30 secondes du tonnerre. aussi. Du tonnerre. Du tonnerre! Le tonnerre. Ouais, il aurait fallu que j'ouvre les notes. Hein. Calisse, moi j'étais prêt, moi, mais toutes mes notes sont là. Pas moi. Je pensais qu'elle jouait à Stardew. Sorry. Stardew. T'as même pas ajouté de notes. Ouais. J'ai vu ça. Ouais, moi, j'en ai mis deux, puis c'est deux affaires qui vont durer environ un quart de seconde, puis il y en a un qui est pas drôle. Ouais, mais c'est pas grave parce que tu sais, je veux pas non plus que ça soit comme juste on lit point 1, point 2, point 3. Veux pas, il y en a là-dedans qu'on parlera pas. Il y en a d'autres qui vont se rajouter pendant. Puis Ouais, c'est ça. tu sais, vu que tu pars de quelque chose, puis tu pars sur une discussion, fait que. Ouais, j'avoue. Ben normalement, là. On espère. C'est ça qui est écrit dans mon script. Page 4, là, tu vois, page 4. C'est ça, c'est du dialogue, là. Faut que tu te lèves et à ta fenêtre, tu regardes le soleil en pleurant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est page 5. C'est tout de suite après, moi, ouais, c'est ça. Le bout de ta propriétaire. Ouais, c'est pas ma proprio en fait. Ben, Ça aurait été ma proprio. ben, veux-tu commencer là-dessus, vu que je l'ai mal introduit, tout croche? Ouais, Ah non, attends, faudrait peut-être au moins se présenter. Là. j'avoue, hein, c'est Parce le que là, premier. tu fais comme, moi, wow, ce podcast-là, il y a un nom cool. Ouais, Puis, c'est ok, ça. les gars, ils se présentent pas, on savent pas c'est qui. Bon, peut-être que vous nous connaissez à cause de Gentleman Ricochet. Oh, Chris, que c'est sûr, hein? Tu sais, ah oui, on. Hey, mais c'est quand même arrivé une fois, je te l'avais conté. Qu'on se fasse Genre que, reconnaître pour ça? ben là, c'est ma blonde au début, Lucie, quand elle me dit, elle a un ami en France qui a demandé si son chum, parce qu'il avait vu sur Facebook, c'était le gars qui avait fait Gentleman Ricochet. Et comme, what? Et voyons donc, il doit y avoir genre 5 personnes qui jouent à ça. Bref, Ouais, c'était pas donc c'est la. sûr que toutes les fans de Gentleman Ricochet écoutent présentement pour les qui connaissent pas ça. Bref, Gentleman Ricochet, c'était un jeu mobile qu'on a fait, en fait, comme notre premier jeu mobile qu'on a fait ensemble il y a quoi, 2, 3 ans? Quasiment le Ouais. 3 ans, certains. Ouais, environ, oui. On a fait Jeu ça en mobile septembre. que moi, Stéphane, j'ai fait tout l'art, le visuel, puis Mathieu, qui est l'autre personne qui parle présentement. Pour Moi! mettre ça clair, là, il y a pas un autre gars qui est pas ici. Mathieu qui a fait la C'est programmation. moi! C'est un jeu qui nous a rendu riches. Tellement riches, là, comme tu le sens dans notre équipement de podcast, la richesse. Tu On a sens fait que. environ, je pense en tout, genre 1000 avant taxe. Qu'est-ce qu'à 1000 pour vrai? Ouais, on a passé ça, genre v'là 2 semaines. Pour vrai, moi, tu sais, quelqu'un me le demanderait, j'aurais dit, on doit avoir fait 500. Ouais, non, attends, je vais te leur dire, j'arrive à checker. C'est bon, on va checker pendant que mon chat, il pleure parce qu'il peut pas rentrer. Des calices! C'est pas un podcast sur les chats. C'est pas un podcast sur les chats, on sait pas. On sait même pas si c'est un podcast de quoi. Ben, j'imagine, bon, c'est ça, on a développé un jeu Ça y est, ensemble. là. Ouais, On c'est a ça. étudié ensemble, on a fait le même bac en animation. Ouais, puis on se parle non-stop, fait. C'est ça, c'est comme juste un. Mais ça peut être aussi quelque chose, juste les deux, on est. Tu What? sais, dans le sens, on a chacun comme une place correcte dans l'industrie, là. Tu sais, dans le sens de. C'est aussi quelque chose, genre, on sait de quoi on parle un peu, puis on est là-dedans, puis les deux, on aime ce qu'on fait, fait. Je pense que oui, là. Quand j'ai dit what, c'est parce Peut que j'ai parler eu de un ça. son.

Ouais. Non, j'ai mis en italien. T'avais raison, c'est un sujet de 10 secondes. Ouais. Puis là, c'est le starter kit du game designer. Je sais quel. C'est de quoi de vraiment trop personnel que c'est genre le truc de. Tu sais, mettons. Ouais. Avez-vous remarqué, mais que. Qui marchera pas pour personne sauf moi, genre. Que c'est. Dans ma tête, genre, si je vois quelqu'un avec, tu sais, les genres de calottes d'armée, avec la petite palette, puis c'est genre. Je sais pas comment le dire. C'est casquette, mais un peu d'armée, justement. Genre noir avec un coton ouatté noir, c'est genre. Ça comme ça jitter, genre. Ouais, moi aussi. Puis tu m'ailleurs, non, mais j'enlève ce sujet-là. On va le couper. Qu'est-ce que c'est du caca? Je sais pas comment l'expliquer, mais ça marche pas. Ah, pourquoi ça chie de même d'un coup, hein? Ok, moins pire. Ouais, je sais pas si ça va. Ben, j'imagine qu'on l'aura pas sur l'enregistrement, parce que moi, mettons que ça jitter. Ben, moi pis toi, ça jitter de le recevoir, mais Ouais, qu'on j'imagine qu'il l'envoie, enregistre c'est. comme le micro. Local, Par contre, c'est que tu sais, si tu parles, puis pendant que tu parles, ça fait. Puis là, tu t'attends une réaction, puis je fais juste comme faire. Oui. Quoi, tu trouves là. tu trouves que j'ai une phase de Ouais. cancer? C'est Là, ça a l'air correct. Tu sais, là, c'est parce que je suis sur le Wi-Fi, hein, c'était une mauvaise idée, mon affaire. J'aurais dû faire ça dans mon bureau. Mais je voulais pas empêcher ça non plus, là, dans le salon, puis aller écouter un film. Vis pas, genre. Arrête Wow! de vivre pendant que je fais mon podcast Ouais, t'es intéressant. devenu un robot pendant une seconde, man. Ah, En plus, man. y a ton chat derrière qui crie, Ah, man. C'est si, le gosse. chaos total, Ben, check, veux-tu justement. Ah, man, je vois ses pattes en dessous de la porte. Je pense que je vais juste le rentrer. Veux-tu qu'est-ce que que. j'allais Vu que là, dire? ça a comme bugué un peu, veux-tu que. Qu'on arrête là, ce bout-là. On check? Juste que checker, voir Ben, comment ça ouais. sort. Ouais. Puis au pire, on peut repartir à zéro ou reprendre des bouts de Ouais, celui-là. Ça, moi, ça me dérange pas. non, peu importe.